Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Le Faisan Doré, le premier cabaret de chansons françaises à Montréal. Il y avait tout le gratin de l'époque, tous ces comédiens de Montréal qui venaient tous les soirs nous écouter. Alors ça, c'était les deux premiers rangs. Et en arrière, c'était tout le public. Et dans le fin fond, c'était tous les gens qui faisaient, si j'ose dire, la business sur la rue Saint-Laurent et dans tout le coin. Là. Alors on avait un mélange de deux ou trois publics là. Et tout le monde s'entendait très bien, ça marchait très fort. Alors, il y avait une ambiance extraordinaire. Le chanteur et musicien Pierre Roche, un habitué du Faisan Doré, Pierre Roche et Charles Aznavour vont tenir l'affiche, tenez-vous bien, pendant 40 semaines au cabaret Le Faisan Doré en 1948. Le Faisan Doré ne sera ouvert que 3 ans, de 1947 à 1950, mais très vite, il va devenir une adresse à la mode où défileront les plus grands de la chanson française de l'époque, Luis Mariano, Tino Rossi ou Charles Trenet. Tous les soirs, c'était plein à craquer. Je me souviens d'avoir vu des comédiens qui débutaient à l'époque, comme le regretté Jean Duceppe, qui venait là régulièrement, cherche les noms, là, de mon Dieu, Robert Gadois, qui était là, il y avait Marjolaine Hébert, c'était des assidus. Et à Montréal, quand des artistes étrangers venaient à Montréal, je pense à Luis Mariano, Georges Guettari, Bourville, avec qui j'ai passé quelques soirées, les Sœurs Étienne, Adrien Adrius, nommez-les, là. Ils étaient tous là. Charles Trenet, même, je me souviens que Charles Trenet, M. Martin, je pense qu'il lui donnait les clés. C'est lui qui fermait le club, comme on dit. Alors, c'était le rendez-vous à Montréal. C'était le Faisan Doré. Tout le monde se garochait pour venir au Faisan Doré. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais le faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Charles Trenet, que vous reconnaissez certainement, habitué donc du cabaret Le Faisan Doré, comme nous le racontait à l'instant le chanteur Fernand Gignac dans cette entrevue diffusée à l'émission Par les temps qui courent en 1997, pour nous raconter ce Montréal des cabarets, pour nous parler de l'importance du Faisan Doré dans ce Montréal des cabarets. Mon invité, l'auteur, compositeur, interprète, Steve Normandin. Steve Normandin, bonjour. Bonjour. Comment présenter ce cabaret, 3 ans seulement d'existence, mais une importance réel, en quoi le Faisan Doré sera-t-il si important? Ben, sa grande beauté, c'est que dans un milieu où le cabaret est, à Montréal, du moins, était essentiellement calqué sur le modèle anglophone. Il faut remonter pratiquement à l'époque de la Prohibition. Les gens de Chicago et de New York, étant privés d'alcool, se rabattaient sur Montréal parce qu'on était, nous, au Québec, on permettait tout, quoi. Montréal, ville ouverte. Et on a tout de suite adopté la tolérance. Donc, comme la clientèle venait des États-Unis, on a forgé l'esprit du cabaret de l'époque selon ce qu'on y voyait aux États-Unis. Ouais. Donc, les musiciens de jazz qui se retrouvaient plus de job parce que qui disait jazz disait alcool, tout le monde traverse la frontière et là, on se ramasse avec les plus grands musiciens. Mais même s'il y avait beaucoup d'artistes francophones qui travaillaient, ils travaillaient selon la méthode américaine avec un répertoire américain, parfois adapté en français. Mm-hmm. Mais Le Faisan Doré arrive dans cette c'est les années d'après-guerre, tout le monde veut essayer aussi d'oublier. Et il y a un phénomène important, c'est que pendant 4 ans, on est privé de chansons françaises. Oui. Donc, pendant la guerre. Alors, les disques ne nous parviennent pas parce que tout se faisait à l'époque par bateau, le transport des marchandises. Donc, les disques qui nous arrivaient ici étaient difficiles à trouver. Et là, avec la fin de la guerre, il y a toutes les nouvelles vedettes qui apparaissent en France. Les Édith Piaf, qu'on ne connaissait pas ici, mais qui avaient déjà 10 ans de carrière derrière elles. Il y avait Montand, il y avait les nouveaux disques de Trenet. On avait encore vécu sur, justement, Je chante, et puis il y a de la joie et tout ça. Eux, ils avaient continué leur production. Ouais. Alors, on recevait ces disques en masse qui passaient à la radio. Les nouveaux artistes qui étaient québécois, donc, et qui chantent en français, entendait ça, s'appropriait ce répertoire-là, mais il n'y avait aucun vecteur. Alors, Le Faisan Doré arrive vraiment comme, je dirais, du pain béni, parce que pour une première fois, il y a des gens qui ont l'idée de se réunir pour faire un cabaret à la française où on boit autre chose que de la bière, on boit du vin ou du champagne, on y fait de l'humour à la française. Ouais. Donc, c'est très latin comme esprit et ça s'était jamais vu autant de talents, de jeunes talents qui s'expriment dans la variété francophone. Parce que Montréal, on l'oublie, mais ça se passe dans ces années-là encore beaucoup en anglais. Donc, c'est le premier cabaret où ça va se passer en français, ce qui est déjà une petite révolution. Bien sûr, et c'est pourtant, sur la Maine, c'est quand même, la mainmise est anglophone, tant par la mafia qui s'y trouve, tant par les gens qui ont les lieux. Tout se passe en anglais. Et eux, ils arrivent vraiment avec l'esprit français, puis avec la participation d'un gars comme Jacques Normand, qui a une popularité extraordinaire à la radio, ça va amener tout le monde à vraiment s'amuser selon la formule française. Ben, on l'écoute justement, Jacques Normand, dans une entrevue qu'il accorde à Michel Desautels en 1990, et où il nous parle des débuts, en fait, des tout débuts du Faisan Doré en 1947. Comment ça se passe quand il arrive dans ce lieu? Au début, d'abord, la boîte était trop grande. C'était une boîte rue Saint-Laurent qui s'était appelée le Faisan Doré pour remplacer le Val d'Or. Le Val d'Or, c'était un club de nuit, c'était ce qu'on appelle sur la Maine un joint. Je suis rentré là-dedans parce que c'est Jeannine Suteau qui m'a embarqué là-dedans. Il y avait des Français qui étaient copropriétaires avec Vic Cotroni, qui est un homme de science, que vous avez bien connu, dans vos lectures. Et alors, Vincent Cotroni, ça n'en occupait pas de la boîte. Il avait dit, ben, vous voulez en faire une boîte française, faites-en une boîte française, moi, je... Et alors, on est allé là, et puis on a essayé de faire une boîte avec ça. On a commencé d'abord par enlever la vente des grosses bouteilles de bière. Parce qu'on a vu que c'était là qu'il venait le plus de bruit. Les gars, ils venaient pas là pour regarder le spectacle, ils regardaient pour boire de la bière. Alors, ça fait pareil d'aller boire en bas la bière, parce que ce n'était pas le public qu'il nous fallait. Alors, petit à petit, le public s'est fait. Il s'est créé un public, un intérêt, là. On a de tout temps chanté les nuits de Paris, la place Pigalle, Montmartre, les Halles. Dans le monde entier, on sait que là-haut, c'est beau. Oui, mais ici, on a aussi des filles jolies, des cabarets, des boîtes de nuit, pour y chanter dans la gaieté des airs légers. J'aime les nuits de Montréal, pour moi ça vaut la place Pigalle. Je ris, je chante, la vie m'enchante, il y a partout des refrains d'amour. Je chante encore. Jacques Normand et ses nuits de Montréal, il sera très, très important, Jacques Normand, dans cette aventure du Faisan Doré, Steve Normand. À tout point de vue. D'abord, sa situation d'homme de radio. Il est parti de Québec où il est né là-bas, bien sûr, puis il avait connu une belle popularité. Montréal l'appelle, il arrive, il débarque à CKVL, il s'allie avec un pianiste qui s'appelle Billy Monroe, qui va devenir son partenaire de scène pendant des années. Et ils vont forger une émission qui s'intitule Le fantôme au clavier, qui est enregistré. Bon, en fait, c'était pas enregistré à l'époque, c'était en direct. C'est en public. Ouais. Et les gens font les demandes spéciales du moment. Et comme il y a une avalanche de chansons françaises, Jacques Normand se met à l'étude de tout ce qui arrive en partition, en disque. Et avec Monroe, qui est très, très versatile, qui est un formidable musicien, ils vont vraiment constituer un répertoire fabuleux. Donc, lui a déjà, vous me pardonnez l'expression, une exposure. Donc, on le voit partout. C'est une vedette du disque. Il vient de se marier avec une des grandes chanteuses du moment, qui est Lise Roy. C'est le couple idéal, tout ça. Bref, ça, c'est d'une lancée formidable. Et avec lui, il y a tout un lot d'artistes, d'humoristes. Il va repérer des gens qu'il va amener là. Et évidemment, comme tout le monde connaît tout le monde, ça se parle à une vitesse de fou. On dit, il faut absolument aller voir Normand. Non seulement c'est un animateur fabuleux, mais le nombre d'artistes qui vont travailler avec lui dans ce cabaret-là, c'est extraordinaire. Il y avait le pif, comme on dit. Donc, C'est presque le programmateur du cabaret. Puis au fond, on l'entend un peu dans cet extrait-là, mais il part de loin. Là. C'est la Maine, on va boire de la grosse bière. Et c'est ça qu'il va faire aussi. En plus d'attirer, parce que c'est une vedette, d'avoir le pif pour s'entourer d'artistes intéressants, il va développer, au fond, transformer cette salle-là pour en faire ce que va devenir le cabaret du Faisan Doré. Tout à fait. Puis je pense que les gens, peut-être, qui sont encore de ce monde, vont être d'accord avec moi. Jacques Normand, le Faisan Doré, c'est son image à lui. C'est-à-dire que c'est un homme qui aime s'amuser, qui a de l'esprit pour 10, un sens de la répartie. Et il joue avec la salle, pas simplement avec les vedettes, par exemple, comme M. Roche précisait au premier rang, mais il trouve le moyen, s'il entend quelqu'un qui dit quelque chose, il rattrape la balle au bon, fait une blague avec, tout en étant extrêmement sympathique. Et sa joie de vivre, en fait, est communicative et ça va donner toute la couleur de cet esprit du cabaret directement au Faisan Doré. Vous évoquez Pierre Roche, autre habitué, donc Pierre Roche avec Charles Aznavour de ce cabaret du Faisan Doré. Un jour de mai où l'ennui me pesait pour vivre ma vie, l'essence qui m'oppresse. J'ai tout quitté sans chagrin, sans regret, puisque les voyages forment la jeunesse. Aux gens curieux, j'ai répondu, destination inconnue. J'ai pris le premier train qui partait le matin. Par hasard dans le train, il y avait une femme très bien. Comme le destin veille sur moi gentiment, elle était justement dans mon compartiment. Train en roulant faisait un vacarme infernal. Sur la banquette en bois, on était plutôt mal. Mais quand j'ai pris sa main parlant avec douceur, plus vite que le train allait mes battements de cœur, d'un ton charmant un peu moqueur. Alors Steve Normandin, quelle sera l'importance de Charles Aznavour et de Pierre Roche au cabaret du Faisan Doré? Ah ben ils vont apporter évidemment la fleur nouvelle de ce qui se passe à Paris. Ils arrivent, pourtant ils ont beaucoup de métiers. En fait, quand ils arrivent en 48 à New York, ils sont emprisonnés malgré eux parce qu'ils n'ont pas pensé, eux, à prendre un visa de travail. Edith Piaf leur a dit, les gars, quand on va aller en Amérique, les compagnons de la chanson, ils ont un contrat, mais si vous voulez aller en Amérique, débrouillez-vous. Ben, ils ont fait chiche. Alors, ils sont embarqués sur un bateau avec des moyens de fortune. Ils ont ramassé tout l'argent qu'ils pouvaient. Ils arrivent aux frontières américaines, ils disent, mais vous avez pas de contrat de travail, vous avez rien. Alors, ils sont mis en prison, mais ils se rendent bien compte qu'ils veulent pas assassiner le président américain. Ouais. Rush installe au piano rapidement, puis montre que c'est un musicien. Quand ils réussissent à rejoindre Piaf, qui essaie de faire sa carrière américaine à ce moment-là, elle lui dit, écoutez, les gars, à New York, je peux rien faire pour vous, mais j'ai entendu parler qu'à, c'est Trenet qui me disait que, en fait, à Montréal, elle les envoie un peu. Monique Giraud me racontait dans une autre émission. Elle s'en débarrasse. Exactement. Avec beaucoup d'élégance, mais elle sait pas le service qu'elle va leur rendre parce que, autant à ce moment-là, on sait que ça va prendre des années avant qu'Aznavour se fasse une place au soleil, mais les deux gars rament beaucoup. Ils sont pétris de talent. Avec le recul, c'est des belles années. Les chansons qu'ils composent sont bonnes. Mm-hmm. Ça swing. C'est deux passionnés de jazz. L'harmonie des voix, ce qu'on vient d'entendre, c'est extraordinaire. Et Pierre Roche est un pianiste exceptionnel. Et déjà, la scène Aznavour la maîtrise. Alors, quand ils arrivent au Faisan Doré, la première chose qu'ils constatent, c'est que vous avez un beau cabaret. Le décor est moyen. Faudrait au moins un rideau et un projecteur pour suivre les artistes, au moins pour donner le clinquant qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ils vont amener ce qu'on pourrait dire la perle à la cravate, le petit côté que on est dans un cabaret, d'accord, on est sur la main peut-être, mais on sait se tenir. Ouais. Et ils vont amener vraiment ce velours-là. Et là, tout le monde va se mettre à chanter les uns avec les autres. La jeune Monique Lérac, Rafa qui se mêle de la partie. Puis il y a des photos, on a l'impression que c'est comme une troupe de théâtre complètement déjantée. Mm-hmm. Il nous manque le son et l'image qui bouge, mais ça devait être juste exceptionnel de voir tout ce monde-là à même enseigne. Puis le fait qu'ils aient été engagés autant de temps, je pense que le public a tout de suite compris que Aznavour et Roche, qui va rester avec nous plus tard, ben, c'était vraiment des gens de scène et qui ont fait leur place. Leur premier triomphe, ils l'ont connu à Montréal. 40 semaines, 11 spectacles par semaine. Vous parlez de Jean Raffa, on l'écoute justement à l'émission Par les temps qui courent en 1997, parce qu'il va faire partie de ceux qui vont mener ce combat, parce que c'est ça à l'époque, pour qu'il y ait un lieu où on fasse de la chanson en français à Montréal. C'est nous qui avons donné le démarrage de la chanson d'expression française, pas nécessairement écrite à Paris. Mm-hmm. À ce moment-là, Raymond Lévesque a commencé à écrire « Avez-vous remarqué sur les trottoirs ?» Avez-vous remarqué sur les trottoirs les petits enfants s'amusent ? Avez-vous remarqué sur les trottoirs les grands passent et les usent ? Avez-vous remarqué ? On va revenir sur Raymond Lévesque dans un instant, Steve Normandin, parce qu'il a fait partie. C'est intéressant, c'est succulent, ce qu'on peut dire. Et puis, on le dira dans un instant sur Raymond Lévesque au Faisan Doré, mais genre Rafa quand même. C'est pas le dernier venu. Et qui amène aussi sa signature, sa manière de faire. Ben, parce qu'il a été, il a travaillé à Montmartre et à cette époque-là, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et même avant, les chansonniers montmartrois avaient une technique d'écriture de chansons qui s'est perdue, mais qui était fort efficace et il fallait drôlement être habile pour avoir le sens de la répartie. C'est-à-dire qu'on faisait des chansons express, des chansons automatiques. On avait un grand tableau de papier devant soi avec un crayon et on demandait au public de donner deux rimes. Deux rimes féminines, deux rimes masculines. Et il agençait ce que les gens lui disaient. Par exemple, il y avait toujours la fameuse blague « Amour et tambour ». Il donnait ça comme exemple. « Amour et tambour », ça se joue, mais pas avec la même baguette. Bon, ça va, c'est pas tellement haut. C'est l'esprit cabaret. C'est l'esprit même. Cabaret. Ouais. Et il arrivait, un coup qu'il avait eu ses 12 suggestions de mots, il arrivait à faire une chanson et inventait les paroles à mesure sur une musique donnée. il fallait avoir d'abord un sens de l'écriture extraordinaire. Ça, il avait déjà écrit des chansons, notamment pour Bourvil, à la milieu des années 45-46. Les premières chansons de Bourvil étaient co-signées avec Jean Raffa. Alors, quand il arrive ici à Montréal pour faire des contrats de musique, lui, il s'imagine pas qu'il va immigrer, qu'il va faire partie de la colonie artistique canadienne-française, comme on disait à l'époque. Ça le prend de court, mais il se rend compte de la richesse extraordinaire de tous ses confrères et ses consœurs de travail. Et finalement, il se laisse emporter par le truc et amène cette touche française d'humour. Ce que les autres amenaient en variété et en chanson, lui, c'est son aspect humoristique qui va gagner, qui va prendre le dessus. Puis il va être, à sa façon, peut-être pas aussi animateur au Faisant Doré que l'était Jacques Normand, mais il va amener cet aspect de contact avec le public qui est très important. Et dans cet univers du cabaret sur la Maine à Montréal à la fin des années 40, ça va vous faire plaisir. Un petit extrait d'un reportage d'Hugo Lavoie, une figure moins connue, on a parlé de grands noms, de grandes vedettes de la chanson française, la Cigarette Girl. Si j'étais une cigarette... J'avais une amie qui travaillait là. Elle m'avait dit, « Thérèse, pourquoi tu viens pas travailler avec moi au Faisant Doré? » Ben, je dois, ils ont... Non, non, ils ont besoin d'une cigarette girl. Tu me ferais flamber pour toi. Je suis allé, puis là, j'attendais, puis les filles passaient devant M. Jacques Normand. Il regardait les filles, puis les évaluait. Et il faisait signe, par là, à gauche, ou à droite, ou la porte. Mais il nous parlait pas, il disait rien. Là, il nous a fait repasser, puis il a dit, c'est toi, tu vas devenir cigarette girl, puis toi aussi. Il n'avait choisi deux. Et je pense jamais d'aller travailler au Faisant Doré. J'aime les nuits de Montréal. Pour moi, ça vaut la place Pigalle. Qu'est-ce que ça faisait, une cigarette girl? Ça passait avec des cigarettes, des cigares, de la gomme à mâcher, des pinottes, avec un cabaret. J'imagine que vous avez rencontré des chanteurs, des artistes célèbres. Il... Charles Aznavour. Non, il ne nous parlait pas, lui. Mais vous l'avez vu. Je l'ai vu chanter. Traînait. Ah oui, Charles traînait, lui. On pouvait se faire photographier avec lui si on voulait. Mais moi, j'avais pas voulu. Mon frère m'avait dit de pas me laisser photographier. J'aurais aimé ça, mon homme, aujourd'hui. Avoir un portrait de lui, photographier avec lui. Bonsoir, jolie madame. Alors, Steve Normandin, c'est assez extraordinaire. D'abord, c'est un reportage qui date de 2013 de Hugo Lavoie, qui nous présentait donc cette cigarette girl, Thérèse Vallée-Fiorilli. Un mélange, c'est ça, la Maine, c'est une faune, il y a les cigarettes girls, il y a les mafieux dont on n'a pas vraiment beaucoup parlé encore, il y a le vrai public, c'est un joyeux mélange. Et c'est un mélange, mais qui se tient bien, c'est-à-dire ce qui est quand même assez fou, c'est-à-dire que on arrive au centre de... Tu sais, Sainte-Catherine et Saint-Laurent, c'est la faune, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des prostituées à toute heure, on n'a pas encore eu l'épuration avec le maire Drapeau et Pacifique Plante, la ville est vraiment vous voulez avoir du plaisir et tous les plaisirs sont permis. Et en même temps, c'est des plaisirs interdits, extrêmement dangereux quand on voit tout ce qui se passe. Puis vous avez de l'autre côté l'oppression religieuse qui est encore omniprésente. Mm-hmm. La religion qui fait bon ménage avec la politique et ces gens-là qui ont un goût de s'éclater. C'est presque un refus global. Ouais. à toute proportion gardée, ça n'a rien à voir avec ce que les artistes, les peintres et les sculpteurs vont faire et les poètes. Mais... c'est une façon de se rebeller aussi contre l'establishment du moment et ils le font avec une spiritualité qui dépasse l'entendement aujourd'hui. Et dans ce joyeux mélange, on y revient, la figure d'un Raymond Lévesque. Racontez-moi cette histoire. Ah ben, quand moi j'ai eu le bonheur de travailler avec lui alors qu'il était atteint de surdité, mais j'ai quand même eu la chance de converser sur ses années Faisant Doré. Il disait, on était vraiment laissé pour compte, c'est-à-dire moi j'étais boss boy, je devais ramasser... Comment, comme boss boy? Oui, comme garçon de table, mais le boss boy, c'est pas le serveur, c'est celui qui va débarrasser les bouteilles vides, les verres, qui amène tout derrière, les cendriers pleins pour mettre des cendriers vides. Et on lui permet de chanter deux de ses chansons, de ses compositions. Et comme il est tellement en avant de son temps que ses chansons sont presque des décalques de Trenet, il l'avoue lui-même, il dit les 150 premières chansons que j'ai écrites, c'était vraiment des copies de chansons de Trenet. Il se ramasse l'indifférence la plus totale, mais il n'y a pas au moment où Raymond Lévesque décide de chanter, à part la radio il n'y a pas... Les boîtes à chansons, on n'y pense même pas. Mm-hmm. Ça n'existe pas. C'est pas dans l'esprit. Les seuls endroits où la chanson populaire ou enfin la chanson tout court peut exister, c'est à la radio, les disques et les quelques cabarets qui existent, dont le Faisan Doré. Puisqu'il est francophone, ben lui, il s'est senti tout de suite interpellé. Donc, on lui a permis de faire sa place au soleil, mais c'était vraiment balbutiant pour lui. Et pour les artistes qui participent, qui font cette vie de cabaret... Le rythme est infernal, ça ressemble... Jean Raffa, qui nous dit à quoi ça ressemble. Parce qu'on fait 3 shows par soir, et le samedi et le vendredi, on en fait 4 avec les retransmissions de radio. Alors tu fais la retransmission de radio le vendredi à CHLP, le samedi à CKVL, de 8h30 à 9h. À 11h, premier spectacle. À 1h, 1h30, parce que s'il n'y a pas assez de monde, on retarde un peu. Deuxième spectacle. Troisième spectacle, 3h... 3h15, showtime, OK? Alors, à 3h, 3h15, mon cher ami, il faut voir ça, surtout le vendredi. Les clients sont pactés. Hein, on y va, hein? Les musiciens, pas mal. Les artistes s'en viennent bien aussi. Puis des fois, pour s'amuser, on chante 2 fois la même chanson. Personne s'en aperçoit. Alors, c'est extraordinaire, quoi. Le genre, c'est la bohème sous l'angle montréalais. Et vous avez pas idée, la fumée, parce qu'à l'époque, ils avalent la fumée secondaire plein pot. Souvent, les gens qui font les spectacles comme ça jusqu'à 4h, 5h du matin s'en vont manger très tard. Il y en a qui font de la radio le matin. Ouais. Alors, c'est la bohème et c'est des vies... Ça a duré 2 ans et demi, le Faisan Doré, mais c'est comme s'ils avaient fait 6 ans ou 7 ans de travail. Mais en même temps, c'est drôlement formateur parce que ils apprennent à se connaître, à développer la technique sur scène et tout. Mais c'est quand même, c'est harassant. En un mot, Steve Normandin, qu'est-ce qui reste de ça aujourd'hui? Ben, artistiquement, ça a été la première porte d'entrée des amateurs de boîtes à chansons, vous comprenez. Ouais. Si on parle maintenant de l'aspect cabaret et tout ça, dirigé par exemple par la mafia, c'est un autre dossier, ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu une certaine épuration, mais si vous regardez même encore aujourd'hui, le 14-17 Saint-Laurent, c'est encore maintenu par le crime organisé, c'est un bar de danseuses. Ouais. Ça a toujours été un lieu extrêmement trouble. Cette portion-là et cet édifice-là étaient marqués du sceau du crime organisé, mais on a réussi à faire d'autres spectacles et les artistes ont pu s'affranchir de cette espèce de mainmise sur les différents lieux. Alors là-dessus, le Faisan Doré a peut-être été à la fois un exemple à suivre pour le côté artistique et la volonté de faire des belles choses artistiques, et le chemin à ne pas suivre quant à sa fonction de mafia et de crime organisé qui lui a toujours collé à la peau. Steve Normandin, auteur, compositeur, interprète, amoureux, ai-je besoin de le dire, de la chanson. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Un grand plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, à la prochaine.